It will be 10:03:40. At the third stroke, it will be 10:03:50. At the third stroke, it will be 10:04, precisely. Salut, salut, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Meilleurs vœux 2026, Happy Prog Year. Pour cette nouvelle année, j'ai voulu illustrer le nouveau numéro d'Acid Dragon, numéro 89, en passant de larges extraits de groupes chroniqués ou interviewés dans ce présent numéro. Vous allez pouvoir entendre notamment Maledictis, Radiant Moon, ICU ou IQ et Ange. Voilà pour le programme de cette émission. Au passage, et ce n'est pas des moindres, je tenais à remercier les nombreux auditeurs qui nous ont rejoints fin 2025, plus d'une centaine chaque soir. Merci à vous. Et tout de suite, on démarre avec Maledictis. Maledictis, ils sont américains. Ils viennent de publier leur premier album intitulé Echoes of Conscience. Echoes of Conscience. J'ai craqué, c'est du symphonique prog de toute beauté. Donc voici un large extrait. I can't along with nothing to be. I can't miss you because you will never be gone for me. Je n'ai pas peur de le dire, c'est pour moi le meilleur disque de l'émission, le meilleur disque par ce nouveau groupe américain lui aussi, Radiant Moon. Radiant Moon, le titre de leur album qui vient aussi de sortir, Now's the Time, Now's the Time. Je les aime bien, ces Allemands de ICUICUIQ, si vous préférez. Ils sont originaires de Freiburg im Breisgau. Ils ont eu la très bonne idée de rééditer leur chef-d'œuvre sorti en 1995. Je veux parler de Now and Here. Now and Here, il est complètement remixé et métamorphosé. Sometimes it's getting dark. stumble and fall. You're sick of breaking down. You're cold, tired and alone. But remember a time the light shone. And that was for you. the sky so high. The sun is shining, the grass is greener, the sky so blue. As butterflies are flying, flying, flying for you. Just open your eyes, just open your eyes and appreciate again. So be proud, be strong, be weak and be wrong. Always be now and be here. One life is for you, one life is for you. So be clever, be kind, be smart and be hard. That's just one voice, one voice worthwhile listening to. And that's the voice inside you. Life is for you. Ha ha. Ah, Ange, ils nous ont époustouflés avec leur tournée Cunégonde. Fin 2025, ils remettent le couvert en 2026. Ne les ratez pas. Surtout si vous habitez en Bretagne. Ils nous ont épatés avec leur nouvel album Cunégonde, qui vient d'ailleurs de sortir en vinyle. Ange, tout de suite. Là-bas, sous un ciel noir, une petite fille en pleurs. Il est minuit à Stalingrad. Là-bas, sous les couleurs, une petite bouche en cœur. Il est soleil à Amsterdam. Cunégonde, Cunégonde, Cunégonde, Cunégonde. Là-bas, dans le miroir, une héroïne se meurt. Sous les missiles, sous la mitraille. Là-bas, dans un trou noir, une cosmonaute a peur. À des millions d'années-lumière. Cunégonde, Cunégonde, Cunégonde, sous les bombes, Cunégonde, sous les bombes. Cunégonde, Cunégonde, Cunégonde, sous les bombes, Cunégonde, sous les bombes. Cunégonde, ballon sonde, suspendu dans l'espace. Un secret, une énigme, un mystère, une carapace file à notre monde. Un miracle file à notre monde. Homme ou femme file à notre monde. Une étoile entre deux. Troublante divinité, Cunégonde, ton aquarelle est belle, pure et sereine. même qu'on y devine la chaumière où Madame Bovary écumait son amant. Ultime fellation sous le baldaquin d'un lit rosé de romantisme. Mélancolie à fleur de sexe. Cunégonde éclabousse les genres pour n'en faire plus qu'un. Elle est partout, elle est nulle part. Le féminin au masculin, le masculin au féminin. Faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les dieux sont devenus stériles. Ils ne savent plus se reproduire, et c'est tant mieux pour l'univers. Cunégonde, tu ne sais qui je suis, je sais qui tu es. Mais as-tu sauvé le monde? Cunégonde, sauras-tu sauver le monde? Eh bien, les Flower Kings, et Flower Kings avec un album intitulé Love, et on Dieu sait si on en a besoin. Flower Kings. We'll be right back. for answers, for questions unasked. The world keeps on turning. Behind every mask, do I know you? Do you know me? What do we see? Blue flowers in our own backyard. On a quest for a different story, to even up the score. A little love, a little glory is what I'm looking for. Gone crazy, but still it's in our hands. Lay down your love, lay down your magic. The lady sings out there, searching high, searching low. Lady Stardust still gets sore. In the back of rancid liars, time will be the judge. Lost souls on the rim of a glass, hunted by the sand. History repeating itself despite the vows we made. Searching high, searching low. Shine on, shine. Steven Wilson nous avait enthousiasmés lors de leur tournée fin 2025. Grâce à l'ami Michel, eh bien, je voulais vous passer un large extrait de The Other View. Au passage, je remercie également Michel, toujours le même, pour le prêt des Flower Kings. Signs beyond 1 megameter, 10^6, Ganymede, Callisto, Wolf 359. Signs beyond 1 gigameter, 10^9, Sirius, Altair, Vega. Signs beyond 1 terameter, 10^12, Antares, Pistol Stone, Betelgeuse. Size beyond 1 petameter, 10^15, Stingray Nebula, Ring Nebula, Helix Nebula, The Spire, Hourglass Nebula. Size beyond 1 zettameter, 10^21, Milky Way, Andromeda Galaxy, Fornax Cluster. Size beyond 1 yottameter, 10^24, Virgo Supercluster. Supercluster complex. myself in relation to it all. What seemed important now like dust inside the squall. Callisto 4359. Size size beyond 1 gig of return. 10 to the power of 9. Sirius. Altair. Vega. Polaris. Size beyond 1 terabyte. 10 to the power of 4. Antares. Pistol Star. Beetlejuice. Juice. Cluster. Size beyond 1 yulkameter. 10 to the power of 24. Virgo supercluster. Eridanus supervoid. Supercluster complex. Ça fait vraiment plaisir à voir tous ces groupes qui reviennent sur le devant de la scène, notamment les Tel Q, ce groupe de Milan qui nous avait déjà enchanté avec Voices Beyond My Curtain en 91. Eh bien, les voilà de retour avec un nouvel opus intitulé Eclipse of the Midnight Sun. Eclipse of the Midnight Sun. Et bien sûr, dans la foulée, un extrait de Voices Beyond My Curtain de 91. Tout de suite, les Tel Q. My bones. Thank you. rise again. Passons maintenant à la séquence Oldies but Goldies. J'ai découvert sur le tard, veuillez m'en excuser, ce groupe américain intitulé The Battlefield Blues Band. Ils ont sorti en 1966 un album intitulé East West et il y a dedans une suite intitulée East West de toute beauté. Tout de suite, les Battlefield Blues Band. Thank you. Thank you. C'est un de mes groupes fétiche de l'école de Canterbury. Je veux parler de Caravan. Caravan, je n'avais pas leur version CD de For Girls Who Grow Plump in the Night, paru en 73. Donc, je n'ai pas pu vous le passer à l'époque sur les ondes. Eh bien, c'est fait maintenant. Tout de suite, un large extrait de ce For Girls Who Grow Plump in the Night. Thank you. Enfin, on termine avec un groupe français dans lequel officie mon ami Michel Beria, qui est interviewé dans le dernier Acid Dragon. Eh bien, ce groupe s'intitule Ambre, comme la couleur. Et Ambre avait sorti en 2024 un album superbe intitulé Arcanum. Arcanum. Tout de suite, Ambre. C'est une licence. Que j'ai envie de dormir.